des corrigans, des poulpicans et des moutons, gigots de brebis caramélisés au miel et chutney de menthe bergamote. Écrit par Hélène Duguay-Souvraz, lu par Armène pour audiocité.net. Il était une fois, dans les monts d'Arrée, une fratrie de trois moutons gambadant sous les frondaisons. Le Benjamin, un tout petit agneau d'un an au pelage soyeux, le cadet, un jeune mouton de 2 ans au lainage épais, et l'aîné, un beau mouton de 3 ans aux belles cornes. Au terme d'une chouette déambulation dans une jolie forêt de hêtres et de chênes, les voilà qui souhaitent rentrer à la bergerie du Skiriou le soir venant. Mais voilà que se profile au bout du chemin un pont de bois jeté au-dessus d'une rivière enchantée et poissonneuse. Or, tout le monde le sait, sous le tablier des vieux ponts de bois des monts d'Arrée nichent souvent des poulpicans, corrigans malveillants et voraces, grands amateurs de gigots et de côtelettes. Comment s'assurer que la voie est libre? Notre trio tient alors conciliabule, à bonne distance du pont, et les deux aînés, avec un singulier manque de courage et d'élégance, il faut bien l'avouer, décident d'envoyer le Benjamin sur le pont. Si poulpic il y a, l'agneau se fera croquer. Sinon, en l'absence de danger, les deux autres le rejoindront, sains et saufs, sur l'autre rive. La raison des plus forts est toujours la meilleure, etc. Ainsi fut fait, et notre innocent Benjamin, inconscient du danger, fit claquer ses sabots légers sur le pont. Un effrayant poulpic, l'estomac dans les talons et la serviette déjà nouée autour du cou, lui coupa la route toute quenotte dehors. Mais tout le monde le sait, les Benjamins sont moins niais qu'ils n'y paraissent et ont plus d'un tour dans leur sac, et par ailleurs, pas la langue dans leur poche. Poulpic, ne me dévore pas, attends plutôt le passage de mon cadet, bien plus gros et plus gras. Le poulpic, qui n'avait pas lu La Fontaine et n'avait pas fait pour sien l'adage « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », laissa passer l'agneau et, tapis dans l'ombre, attendit le cadet. Celui-ci arriva sur ses entrefaites, gambadant joyeusement avec l'innocence de ses 2 ans. Lorsque ses sabots claquèrent sur le pont, le poulpic, l'estomac toujours dans les talons, salivant tout croc dehors, lui coupa le chemin au beau milieu du pont en poussant un hurlement effroyable. Mais tout le monde le sait, les cadets, moins futés que les benjamins, sont toutefois moins niais qu'ils n'y paraissent et ont plus d'un tour dans leur sac et par ailleurs, pas la langue dans leur poche. Poulpic, ne me dévore pas. Attends plutôt le passage de notre aîné, beaucoup plus gros et plus gras. Le poulpic, qui n'avait toujours pas lu La Fontaine et n'avait encore pas fait pour sien l'adage « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », laissa passer le jeune mouton et, tapis dans l'ombre, attendit l'aîné. Celui-ci arriva sur ses entrefaites, gambadant joyeusement avec la tranquille assurance de ses 3 ans. Lorsque ses sabots claquèrent sur le pont, le poulpic, l'estomac toujours dans les talons, salivant tout d'en dehors, lui coupa le chemin au beau milieu du pont en poussant un hurlement effroyable. Le sang de l'aîné ne fit qu'un tour. Tête baissée, cornes en avant, il chargea le poulpic affamé sans ménagement et l'envoya rencontrer, à l'issue d'un mémorable vol plané, la rivière enchantée qui l'engloutit avec un soupir d'aise. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. La fratrie réunie termina son périple par un joyeux retour à la bergerie du Skiriou auprès de ses congénères et de leurs chouettes bergers, Cécile et Clément. Il en raconte des histoires, Yun, lors de la randonnée des Corrigandades, qui mène les plus jeunes comme Arthur et Chloé dans l'épaisse forêt de Botmer à la rencontre des Corrigan Neoken Bagwar et Bulbagor. En prenant grand soin d'éviter les pièges enchantés des Corrigan et la mauvaise humeur des Pulpicanchafouins. Et de retour au logis, sains et saufs, s'attabler autour de belles tranches de gigot de brebis de la bergerie du Skiriou, caramélisé au miel des monts d'Arrée, accompagné d'un chutney de menthe bergamote, toute fraîche du Guézou. Pour quatre Pulpicans affamés par essence, de belles tranches de gigot de brebis de la bergerie du Skiriou, Braspar, quatre cuillères à soupe de miel de châtaignier de la miellerie des monts d'Arrée, Plounéourménèse, deux cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, poivre noir de Kerala fraîchement moulu, deux belles poignées de menthe bergamote du jardin, une cuillère à soupe de sucre de canne bio complet, deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre, sel de Guérande. Dans un grand sachet, type sachet à congélation, placez les tranches de gigot et ajoutez le miel, la moutarde et le poivre. Refermez le sachet. Bien massez la viande avec cette marinade toute simple et réservez au frais 3 ou 4 heures. La veille, c'est encore mieux. Préparez alors le chutney. Cueillir les feuilles de menthe, les ciseler très finement, ne pas les mixer, cela leur fait perdre tout leur parfum et leur belle fraîcheur chlorophyllée. Les placer dans une casserole avec le sucre. Ajouter alors un peu d'eau de source, 3 à 4 cuillères à soupe à peine, et amener à une simple ébullition. Ôter du feu et ajouter alors le vinaigre de cidre, puis le sel. Réserver au frais dans un petit pot jusqu'au moment de servir. Ce petit chutney est bien meilleur réalisé à la dernière minute. La cuisson du gigot peut se faire à la poêle, certes, mais c'est bien meilleur au barbecue. Sur la braise rougeoyante, faire saisir les tranches environ 2 à 3 minutes par face, un peu plus pour une cuisson à cœur. Servir brûlant les tranches de gigot caramélisées avec des brocolis et des choux romanesco cuits à la vapeur et le petit chutney tout frais. L'ADES, l'association d'aide au développement économique et social qui propose des activités de sensibilisation à l'environnement par la randonnée, une activité propre à l'éveil des sens et à l'enrichissement de l'imaginaire. Elle offre des loisirs originaux aux personnes demeurant en Bretagne ou aux touristes en s'appuyant sur les ressources naturelles et humaines locales des monts d'Arrée.